Mais qu'ils ne viennent pas emmerder ceux qui n'ont pas la foi. Apparemment, l'homme est un animal, il ne peut pas se passer de transcendance. Moi, je suis maintenant persuadé qu'il y a des choses. Il y a des choses.